me suis payé un beau chapeau pour avoir l'air bien comme il faut. Quand je croise mes amis, ils en crèvent de jalousie en voyant mon beau chapeau. J'ai mis une plume à mon chapeau parce que ça fait plus rigolo. En voyant coiffé ainsi, toutes les jolies filles s'écrient: oh là là, quel beau chapeau! Je passe mon temps, soir et matin, devant les glaces des magasins. Je me regarde, je me plais bien, et le roi n'est pas mon cousin. Je le mets de côté, mon beau chapeau, pour piloter ma petite auto. Comme ce n'est pas très pratique, j'ai fixé un élastique pour tenir mon beau chapeau. Je le mets tout droit, mon beau chapeau, lorsque j'appelle ma dactylo. Tout en dictant mon courrier, je peux quand même l'embrasser sans quitter mon beau chapeau. J'ai mis au fond de mon chapeau le nom de ma rue, le numéro. Comme ça, quand je prends une guite et que j'oublie où j'habite, j'ai qu'à lire dans mon chapeau. Le seul malheur, c'est qu'une nuit, alors que j'étais un tout petit peu gris, on a changé à mon insu le nom et le numéro de ma rue. Moi je me suis fié à mon chapeau et je suis rentré directo à l'adresse qui était marquée. C'est comme ça que j'ai réveillé le capitaine des pompiers. Faut un chapeau à cette chanson qui n'a ni rime ni raison. Je crois bien l'avoir trouvé, car pour m'avoir écouté, je vous tire mon chapeau.